Il y a déjà les métiers liés au chemin de fer qui se sont développés à cette époque-là et qui ont fait passer la population d'Hendaye de 500-600 habitants à 1000. Trenbideari loturiko lanak daude lehenik, 150 biztanletik 1000-1100 pasatzea egin zuena. Il y a eu également d'autres métiers qui se sont greffés autour des activités propres au chemin de fer. On a parlé. Badira beste lanbide batzuk trenbidearekin zerikusia zutenak ere, esaterako iragaitzazkoak edota trenarekin zeharkaka lotutako lanbideak, izan komertzioa edota turismoarekin zerikusia zutenak, eta esaterako bidaian zen jendea eta Hendaiatik igarotzen zena. Voyage autour des personnes qui ont été transportées, qui sont passées par Hendaye.